franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Jamais la France n'avait connu autant d'attentats meurtriers que dans les premières années de la décennie 80. Certains étaient perpétrés par la bande de Carlos qui voulait obtenir la libération de complices arrêtés par la police. D'autres étaient directement inspirés par l'Iran qui reprochait essentiellement à notre pays d'aider son ennemi irakien auquel l'opposait une interminable guerre. Action directe ajoutait sa note sanglante. Et enfin, il y avait les FARL, les fractions armées révolutionnaires libanaises, avec lesquelles d'ailleurs les militants d'action directe entretenaient des relations d'ordre logistique. Les FARL se sont signalés pour la première fois à la fin 1981 en s'en prenant à un diplomate américain. Elle récidive en 1982 en abattant deux autres diplomates, un américain et un israélien, tous deux proches des services secrets de leur pays. Il y aura encore, toujours en 1982, d'autres attentats dont l'un coûtera la vie à deux artificiers de la police. Puis, c'est le silence, jusqu'au printemps 1984, où les FARL revendiquent un attentat contre un consul américain à Strasbourg. Qui se cache derrière les mystérieuses FARL? Le contre-espionnage, c'est-à-dire la DST, enquête. Assez vite, le Mossad israélien livre des tuyaux à son homologue français. Le chef des FARL, un marxiste d'origine libanaise chrétienne, proche des organisations palestiniennes les plus radicales, serait un certain Georges Ibrahim Abdallah. Et justement, fin 1984, à la suite de l'arrestation en Italie d'un jeune terroriste, la police met la main sur un nommé Saadi, porteur d'un vrai et d'un faux passeport qui pourrait bien être Abdallah. Encore une fois, c'est le Mossad, décidément très bien informé, qui confirme Saadi est Abdallah. Mais, nous disait M. X la semaine passée, aucune preuve ne permet d'impliquer cet homme dans les crimes perpétrés par les FARL. Tout au plus peut-on lui reprocher la détention de faux documents d'identité qui lui vaudront quelques mois de prison. Les policiers de la DST enragent car ils sont sûrs de détenir un gros poisson du terrorisme. D'une certaine façon, la suite va leur donner raison car les FARL vont passer à l'action pour faire libérer leur chef. yet. Mi dikel maadi yet. Landor qouli bah adou la briah. Habbi ma qouli Dans la guerre contre le terrorisme, il faut faire feu de tout bois et user parfois de moyens peu recommandables. C'est ainsi que les services états-uniens ont justifié l'emploi de la torture à Guantanamo. Hein. Oui, vous avez raison. Et les policiers de la DST n'en sont heureusement pas arrivés à cette extrémité, mais ils ont réussi un assez joli coup, moralement contestable, mais techniquement très efficace. Ouais, racontez-moi ça. Ben, ils vont réussir à persuader le propre avocat de George Ibrahim Abdallah de travailler pour eux. C'est-à-dire de trahir son client. Exactement. C'est important parce que Abdallah confie plusieurs missions à cet avocat qui devient en quelque sorte son missi dominici. Des missions dont il rend donc compte à ses contacts à la DST. Naturellement. Par conséquent, les enquêteurs disposent d'une source incomparable pour en apprendre un peu plus sur les FARL. Alors, rappelons, puisque nous en avons parlé la semaine passée, que cette organisation libanaise est très proche des deux branches du FPLP. Oui, des mouvements palestiniens extrémistes. Et opposés à l'OLP de Yasser Arafat, oui. Autre information, Abdallah et les siens, parents ou proches, sont tous originaires d'un village du nord Liban. Ils forment le noyau actif des FARL. C'est donc une structure quasi familiale. Ah, tout à fait. Et à la DST, grâce à cet avocat indélicat, on apprend que le clan Abdallah est prêt à tout pour obtenir la libération de leur chef détenu dans une prison lyonnaise. Il serait en particulier envisagé l'enlèvement d'un diplomate français en poste au Liban. Mais n'aurait-il pas été plus sage d'attendre la libération de George Abdallah qui, étant donné la minceur des faits qui lui sont officiellement reprochés, ne serait tardé. C'est juste, mais les frères et les amis du chef des FARL sont des jeunes gens fougueux et impatients qui sont bien décidés à passer à l'action. Et fin mars 1985, quand on apprend à Paris que les diplomates Fontaine et Carton ont été enlevés, on pense immédiatement que les FARL sont passés à l'action. Oui, mais il y a confusion. Hein. Les responsables ne sont pas les FARL, mais le djihad islamique. Oui, un faux-né des services secrets iraniens. Cependant, sur le moment, on ne peut pas faire la différence, d'autant que ce premier enlèvement n'empêche pas les jeunes gens des FARL de jouer leur propre partition. Le lendemain du kidnapping de Fontaine et Carton, Gilles Pérol, notre représentant culturel à Tripoli, est à son tour enlevé. Tripoli, une ville du Nord Liban, hein. Donc pas très loin du village du clan Abdallah. Oui, visiblement, les membres des FARL ne sont pas allés très loin pour perpétrer leur forfait. Ouais. Autre chose, Pérol est le fils de l'écrivain Gilles Perrault. Hein. C'est parfaitement exact, quoi qu'il en soit. Si on avait encore des doutes sur l'identité des ravisseurs, la géographie indique clairement que les FARL sont derrière cet enlèvement. Elles vont d'ailleurs assez rapidement le confirmer. Et les FARL, j'imagine, veulent procéder à un échange Pérol contre Abdallah. Évidemment. On s'achemine donc vers une négociation, mais pour cela, il faut trouver des interlocuteurs et un canal pour entamer ces discussions. Alors, logiquement, on fait appel aux Algériens. Je vous rappelle que George Abdallah, quand il est tombé dans les mains de la police française, était en possession d'un passeport algérien. Ouais, un document authentique. Mais un vrai faux passeport de complaisance, puisque le titulaire de cette pièce d'identité n'était pas Abdallah, mais un certain Saadi. Ça signifiait que, d'une façon ou d'une autre, les services secrets algériens avaient noué des rapports avec le chef des FARL. Quand, pourquoi, dans quelles circonstances, ce sont des questions qui ne seront jamais élucidées. Et Alger s'est bien gardé de fournir des réponses, mais les services algériens sont coutumiers de ce genre d'ambiguïté. Est-ce que les Algériens acceptent de s'entremettre là, dans cette négociation qui pourrait s'engager avec les FARL ? Oui, tout de suite. Une célérité qui s'explique sans doute par leur embarras. Le fait d'avoir procuré un passeport à George Abdallah. Et comment ça se passe, cette intervention des Algériens ? La sécurité militaire envoie un agent à Paris, cornaqué par la DST. Il se rend à la prison de la Santé où Abdallah a été transféré. Mais d'accord, mais dans quel but ? Bah, cet envoyé spécial est chargé d'obtenir du Libanais un moyen pour communiquer avec ses amis qui détiennent l'attaché culturel français. Ouais, afin d'ouvrir des négociations. Ouais. Cet Algérien est donc autorisé à rencontrer Abdallah à la prison de la Santé. Mais comme vous pouvez l'imaginer, le chef des FARL est très méfiant. Ouais, il se demande si la police française n'essaie pas de le piéger. Bah, bien sûr. Aussi exige-t-il de nombreuses preuves de la véritable identité du policier algérien. Mais finalement, Abdallah fait un premier geste en livrant un nom et un numéro de téléphone au Liban. Toutefois, lorsque l'Algérien reviendra le voir, il refusera de le rencontrer. Avec ce nom-là et ce numéro de téléphone, on peut quand même esquisser un début de négociation ? Oui, mais personne ne répond à l'autre bout du fil. Et ça va conduire le patron de la DST à s'impliquer personnellement. Ouais, le patron, ouais. Et comment alors ? Yves Bonnet devine que la clé de l'affaire se trouve à Alger. Aussi, se résout-il à faire le déplacement le plus discrètement possible, bien entendu. Il veut discuter au plus haut niveau. Avec le numéro 1 de la sécurité militaire algérienne, le colonel Lakhal Hayat. Un homme qui, Bonnet le comprend tout de suite, est parfaitement informé de tout ce qui se passe dans cet Orient compliqué, comme aurait dit le général de Gaulle. Ainsi, le colonel a immédiatement fait la différence entre l'enlèvement des diplomates Carton et Fontaine et celui de Pérol. Et pour la libération de ce dernier, alors, il accepte de s'entremettre ? Effectivement. Enfin, je vous passe les détails, mais tout cela est horriblement compliqué. Oui, parce que la négociation n'est pas directe entre les FARL et le colonel de la sécurité militaire. Non, elle emprunte de nombreux canaux, dont celui du FPLP de Georges Labache. Mais enfin, en passant par tous ces relais, les représentants des FARL font connaître leur revendication. Sans surprise, c'est la libération de Georges Ibrahim Abdallah avant le 1er mai. Gilles Pérol ayant été enlevé le 25 mars, il reste donc très peu de temps pour aboutir. Et si Abdallah n'était pas libéré ? Il faudrait alors craindre pour la vie de l'otage, car les militants des FARL le semblent aussi excités que déterminés. Mais avant d'entériner un accord, il reste quelques sérieuses difficultés à régler. Et d'abord celle-ci. La libération d'Abdallah ne peut être effective que si elle est juridiquement possible. Et ça n'est pas du ressort du patron de la DST. Bien entendu. Mais dans l'urgence, et avant même d'avoir reçu l'aval du gouvernement, Bonnet imagine le plan suivant. Abdallah pourrait être déféré très vite devant la justice. Oui, pour répondre de la possession de faux documents d'identité. Oui, il serait alors condamné à une légère peine de prison qui couvrirait le temps de sa détention. Et il serait alors immédiatement libéré. Et aussitôt expulsé du territoire français. Bonnet, là, ne s'engage-t-il pas à la légère ? En tous les cas, il ne le pense pas. Son plan semble réaliste, cependant. La justice étant ce qu'elle est, il ne lui apparaît pas possible que le Libanais comparaisse avant le 1er mai. Il demande donc que l'ultimatum soit repoussé au 1er juin. Réponse des FARL ? Leurs négociateurs ont du mal à comprendre qu'il faille respecter autant de précautions juridiques. Mais toutefois, ils acceptent. Bonnet, qui n'a pourtant pas encore reçu le feu vert de Paris, s'engage personnellement. Et le colonel algérien donne sa parole, qui est aussi celle de son gouvernement. Pérol va donc pouvoir être incessamment libéré. Ouais. Avant même que Georges Abdallah recouvre la liberté. Les FARL, assurés de la parole de Bonnet et du colonel Hayat, l'ont promis. Mais rien n'est encore joué. Il semble bien qu'à Alger, Yves Bonnet ait pris de nombreux risques en engageant sa parole. Car il le raconte dans ses mémoires, il n'a pas été aisé d'obtenir ensuite un accord de Paris. Extrait. Je joins Jacques Demain, il s'agit de son adjoint à la DST, qui demande audience au ministre Pierre Joxe, qui lui demande d'aller discuter directement du problème au Quai d'Orsay. Jacques Demain doit donc se rendre au ministère des Affaires étrangères et tenter, un samedi matin, de trouver un interlocuteur autorisé, sinon qualifié. Pendant ce temps, le colonel continue de discuter avec Beyrouth et nous vivons ce spectacle presque comique de deux conversations simultanées, l'une en arabe, l'autre en français. Les Algériens ont beau connaître la France, ils ne comprennent pas bien pourquoi mon collaborateur ne parvient pas à trouver un ministre pour régler ce problème. À moins, pense-t-il peut-être, que Paris ne se désintéresse de cette affaire. Mais alors, pourquoi envoyer le directeur de la DST à Alger ? En fait, en France, la confusion est totale. Roland Dumas est à Bruxelles avec François Mitterrand. Pierre Joxe ne veut pas s'en occuper. Le Premier ministre Laurent Fabius ne peut être joint. Enfin, à 15h30, Jacques Debain m'appelle. Il a finalement obtenu l'accord verbal de Roland Dumas à l'échange d'Abdallah contre Pérol. Les Farles vont-elles tenir parole ? Oui, ce qui n'empêche une dernière émotion. Pérol est effectivement libéré par les Farles, le 31 mars. Mais il est à peine relâché qu'un autre groupe s'est emparé de lui et l'emmène en Syrie. Et quel est ce groupe ? Ah ben, on ne sait pas. Cependant, bien entendu, on pouvait craindre qu'il s'agisse d'une organisation liée au djihad islamiste. C'est-à-dire que les ravisseurs des deux diplomates français font un écarton. Mais les Algériens, tout autant que les Palestiniens du FPLP, ont dû montrer les dents. Et finalement, l'attaché culturel français a recouvré la liberté et a été acheminé vers notre ambassade de Beyrouth. Pérol n'aura été détenu qu'une dizaine de jours. Il reste maintenant à régler le cas Abdallah. Yves Bonnet a donné sa parole, qui est en même temps celle de la France, puisqu'il a fini par obtenir l'aval des plus hautes autorités. À Paris, le garde des Sceaux entame donc le processus juridique qui doit conduire à l'élargissement du chef des Farles. Question. Est-ce que l'accord conclu entre les Farles et la DST a été rendu public ? Bien sûr que non. Tout cela devait demeurer strictement secret. Il n'est jamais très glorieux de reconnaître qu'on a dû négocier avec une organisation terroriste, même si cela a permis d'aboutir à la libération d'un citoyen français. Donc on ne se vante pas. C'est alors que se produit un véritable retournement de situation. Expliquez. Tandis que le patron de la DST jouait le rôle que vous savez dans la négociation devant permettre la libération de Pérol, une information est parvenue aux enquêteurs qui poursuivent leur investigation sur les Farles. Et de quelle origine cette information ? Ce n'est pas très clair. En fait, ce nouveau renseignement fait partie de ces mystérieux tuyaux, anonymes ou pas, qui jalonnent le cours de cette affaire et surviennent comme par enchantement. Et comme vous ne croyez pas au hasard ? Je pense bien sûr qu'il y a derrière une volonté et un cerveau, mais n'allons pas trop vite. Alors, ce tuyau. Les policiers de la DST sont invités à aller perquisitionner un appartement de la rue Lacroix à Paris. Ce serait l'une des planques des Farles. Et les policiers se déplacent ? Évidemment, même s'ils sont sans illusion, car ils ont déjà visité en vain bien des appartements ou des maisons supposées être des caches pour les terroristes. Rue Lacroix, dans le logement désigné, personne ne répond. En prenant la précaution de se faire accompagner par deux voisins qui serviront de témoins, les policiers, après avoir forcé la porte, pénètrent dans l'appartement. Leur attention est aussitôt attirée par une malle. Ah, la malle au trésor. Oui, parce que ce qu'ils y découvrent dépasse toutes leurs espérances. Il y a là des armes, des explosifs, des détonateurs, des listes d'objectifs et, cerise sur le gâteau, si j'ose dire, une carte d'identité libanaise sur laquelle figure la photo de Georges Ibrahim Abdallah. Le chaînon manquant. En somme. Oui, en l'indice qui permet de relier formellement le Libanais aux attentats revendiqués par les Farles. Car après expertise, une arme au moins parle. Un pistolet tchèque de 7,65. Et celui qui a été utilisé par les tueurs de Charleret et Jacob Barsimantov. Exactement. Et encore une fois, il faut s'étonner. Pourquoi les terroristes ne se sont-ils pas débarrassés de cette arme qui, découverte, pouvait les incriminer ? Et vous avez une explication ? Oui, mais elle est tellement extravagante que j'hésite à vous la donner. Osez quand même, je vous en prie. Eh bien, Pourquoi cette arme chaude, comme on dit d'une arme qui a déjà servi, n'aurait-elle pas été placée à dessein dans cette malle? Pour impliquer Abdallah? Il faut se poser la question. Mais encore un peu de patience et j'essaierai d'ébaucher une hypothèse qui prend en compte cette explication. Bon, en attendant, voyons les conséquences de cette importante découverte. Mais un instant, là, cette perquisition menée rue Lacroix rappelle exactement ce qui s'est passé 2 ans plus tôt dans ce box de parking où Action Directe dissimulait une partie de son arsenal. Ah, vous avez parfaitement raison. Et observez que cette première perquisition qui avait permis de trouver un pistolet mitrailleur utilisé lors du mitraillage d'un bâtiment israélien avait été opérée après l'obtention d'une mystérieuse information anonyme. Enfin, je poursuis. La découverte du 765 intervient donc juste au lendemain de la négociation réussie ayant permis la libération de Pérol. Et pour vous, ce n'est pas un hasard? Oh, ça me paraît évident. La coïncidence est quand même frappante, non? Alors, les conséquences? Eh bien, il est certain que la libération de Georges Abdallah n'est plus envisageable. En tout cas, pas selon le scénario imaginé par le patron de la DST. Ça signifie aussi que Bonnet ne pourra plus respecter sa parole. Et donc celle de la France. Le patron de la DST est pris à contre-pied. Et même si, en accord avec la juge d'instruction chargée du dossier, un arrangement pouvait être encore trouvé, un nouvel épisode vient compliquer la situation. La presse est informée. De la découverte de la rue Lacroix? Oui, et ça ruine définitivement les possibilités de libérer Abdallah. Il y a une fuite, là. Alors d'où provient-elle? On ne le saura jamais. Mais on peut émettre plusieurs hypothèses. La plus évidente semble une fuite émanant de la police elle-même. Faut pas oublier qu'elle a perdu 2 artificiers lors de l'attentat raté à la voiture piégée d'août 1982. Qui visait un diplomate américain. Oui, on peut donc comprendre que les policiers auraient très mal accepté que soit libéré le chef des FARC. Ouais, responsable de la mort de 2 des leurs, c'est ça. Oui, mais il ne faut pas non plus exclure la piste politique. En 1985, on est déjà en campagne électorale. Les législatives de mars 86. Un adversaire politique de droite, s'il avait pu obtenir une information sur la découverte de la rue Lacroix, ne se serait certainement pas privé de la rendre publique. D'autant que ça lui permettait aussi d'accuser un gouvernement coupable d'avoir négocié avec une organisation terroriste. Ouais, peut-être, mais cette critique me paraît abusive. Après tout, il s'agissait d'obtenir la libération d'un Français quand la négociation s'est engagée. Abdallah n'était accusé que de délits mineurs. C'est vrai, même si les responsables du contre-espionnage ne se faisaient guère d'illusions sur la véritable personnalité de Georges Ibrahim Abdallah. Troisième possibilité, la DGSE, qui n'ignorait rien du marché passé avec les FARL, aurait pu être tentée de piéger sa rivale, la DST. Mais vous y croyez, vous? Bon, l'histoire de nos services secrets est jalonnée de croche-pieds entre la DGSE et la DST. Alors oui, pourquoi pas? Mais il y a une quatrième hypothèse envisageable. Ceux qui ont habilement conduit les policiers de la DST à perquisitionner cet appartement de la rue Lacroix auraient pu aussi lâcher l'information dans la presse. Oui, de façon à s'opposer à toute tentative d'étouffer cette découverte. Et j'avoue que je trouve cela très logique. Toujours ce cerveau-là qui travaillerait dans l'ombre. Et orchestrerait de façon parfaitement machiavélique toute cette affaire, depuis les premiers attentats perpétrés par les FARL. Et c'est sans doute pour cette raison que le patron de la DST crie à la manipulation. En tout cas, pour Abdallah, la situation s'est sévèrement compliquée. Les charges qui pèsent contre lui sont maintenant très lourdes. Et la situation explosive que connaît la France au cours de l'année 1986 ne lui permet plus d'espérer une libération rapide. Vous voulez parler des attentats meurtriers qui vont frapper notre pays? Des attentats dont d'ailleurs on attribue d'abord la responsabilité au clan Abdallah. Ouais, alors que ces attentats, on l'apprendra un peu plus tard, ont été commandités par les ayatollahs iraniens. Et ça veut donc dire que les magistrats qui seront amenés à juger Abdallah ne seront guère cléments. Et dès juillet 1986, le Libanais est condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à 4 années de prison. Mais ce n'est qu'un début, parce que de fortes pressions s'exercent sur les autorités françaises. Georges Ibrahim Abdallah doit comparaître devant une cour d'assises. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Gilles Ménage a été le directeur de cabinet, mais aussi le conseiller du président Mitterrand pour les affaires touchant à la sécurité de l'État et les services de renseignement. Dans son ouvrage en 3 tomes, L'œil du pouvoir, il raconte ce qu'a été son action. À propos de la perquisition miraculeuse de la rue Lacroix, voici ce qu'il écrit. Opération de routine intervenant dans le cadre d'une longue enquête de plusieurs mois, comme l'a toujours soutenu la DST, ou perquisition délibérément déclenchée après la libération de Gilles Pérol, alors que l'on ne pouvait pas ignorer ou pas deviner sur quel rebondissement judiciaire elle risquait de déboucher, avec les lourdes répercussions qui en résulteraient nécessairement. La question a été plusieurs fois posée. Elle mérite une réponse attentive à l'aide des éléments présentés qui permettront peut-être à chacun de se faire une opinion en dépit des zones d'ombre que comporte encore aujourd'hui cet épisode. Après avoir échappé à leurs pronostics, les résultats de la perquisition opérée par les policiers de la DST en fin d'après-midi rue Lacroix le 2 avril 1985 allèrent bien au-delà de leurs espérances et placèrent les autorités politiques dans une situation délicate, assortie de conséquences aussi graves que durables. Les trois tomes de l'ouvrage de Ménage ont été publiés par Fayard. Vous avez parlé de pression là, pour qu'Abdallah soit déféré devant une cour d'assises. Là. D'où proviennent-elles ? Essentiellement des États-Unis, dont les diplomates, c'est vrai, ont été les cibles prioritaires des FARC. Mais il m'étonnerait que le gouvernement israélien aussi n'ait pas fait connaître à Paris son désir de voir Abdallah lourdement condamné. Et Abdallah, qui serait responsable de la mort de Yaakov Bar Simontov. Et dirigeant d'une organisation pro-palestinienne radicale. Oui. Ouais. Et comment sont vécues à Paris ces pressions étrangères ? Ça passe assez mal. On a même frôlé l'incident diplomatique lorsque l'ambassadeur des États-Unis s'est exprimé publiquement sur le sujet, ce qui est apparu comme une ingérence intolérable. Mais je dois dire qu'il n'y avait pas unanimité au plus haut sommet de l'État. Ah, mais c'est le temps de la cohabitation, hein. François Mitterrand à l'Élysée et Jacques Chirac à Matignon. Oui. Le Premier ministre ne serait pas hostile à une négociation en vue d'obtenir la libération d'Abdallah. Car il estime, sans doute, qu'en se débarrassant plus vite de Georges Abdallah, on éloignerait la menace de futurs attentats sur le territoire français. Ouais, la France venant d'être durement touchée. Mais le président de la République campe sur une position plus ferme. Ne serait-ce que parce qu'il a promis à Ronald Reagan que face au terrorisme, la France ne fléchirait pas. Et c'est ce qui se passe. Fin 1986, Georges Abdallah est inculpé de complicité dans la tentative d'assassinat du consul américain à Strasbourg. Donc, il ne coupera pas à la cour d'assises. Mais une cour d'assises spéciale pour juger les affaires de terrorisme. En février 1987, Abdallah comparaît donc devant cette juridiction. La capitale donne alors l'impression d'une ville assiégée. À cause des mesures de sécurité. Manifestement, on craint des représailles de la part des FARC. Mais il ne se passera rien. Le procès lui-même est très curieux. Mais pourquoi ? Parce qu'on y voit un haut fonctionnaire de la DST faire une déposition plutôt favorable à Abdallah. Et c'est-à-dire ? Ce policier minore la responsabilité du Libanais en prétendant que celui-ci n'est qu'un petit chef sans grande importance. Bah, c'est bizarre, non ? Pas tant que ça. Il faut d'abord prendre en compte le fait que la DST veut conserver de bons rapports avec ses homologues arabes. Qui sont aussi d'excellentes sources d'informations. Hein. Enfin, très certainement, ce policier veut aussi aller au-devant du désir du gouvernement qui voudrait en terminer au plus vite avec l'affaire Abdallah. Résultat ? La cour d'assises ne le suit pas. Georges Abdallah est condamné à la prison à perpétuité. Ce qui permet à certains commentateurs d'écrire que ce procès a été piloté par des puissances étrangères. Ouais, les États-Unis. Et Israël. Ah oui. C'était donc il y a 25 ans, hein. Et aujourd'hui alors ? Eh bien, aussi étonnant que cela paraisse, Georges Ibrahim Abdallah, pourtant considéré comme un détenu modèle, est toujours emprisonné en France. Pourtant, en 2003, à Pau, la juridiction régionale de la libération conditionnelle a ordonné l'élargissement du Libanais. Mais le parquet a immédiatement interjeté appel et a cassé cette décision. Et depuis, toutes les demandes de libération conditionnelle d'Abdallah ont été rejetées. Est-ce de l'acharnement ? Bah, ça y ressemble, non. Et il n'y a pas si longtemps, en février, je crois, c'est en vain que le Premier ministre libanais a demandé à la France de réexaminer la demande de libération d'Abdallah en faisant valoir que ce serait une décision humanitaire. Mais il n'a pas été entendu. Et cela a autorisé Yves Bonnet, l'ancien patron de la DST, à dénoncer une vengeance d'État dans une déclaration récente. Ouais, Bonnet qui avait donné sa parole aux Algériens et aux FARC qu'Abdallah serait libéré si Pérol l'était lui-même. Oui, et dans cette mesure, on peut comprendre son ressentiment. Mais dans la déclaration de Bonnet, j'ai retenu cette phrase plutôt sibylline. Si Abdallah avait fait disparaître le pistolet tchèque de calibre 7,65 retrouvé rue Lacroix, bon, il y a longtemps qu'il serait libre. Ouais, et ça conforte ce que vous laissiez entendre. Cette arme aurait pu ne pas être placée là par hasard. En effet. Et si j'ai raison pour bien comprendre, il faut se reporter aux étranges révélations d'un ancien agent du Mossad, Victor Ostrovsky. Cet Israélien, né au Canada, a été recruté en 1983. Mais il a assez rapidement démissionné. En 1986, je crois. À moins qu'il n'ait été purement et simplement viré. Ouais, mais pour quelle raison, alors ? Quelle que soit l'explication de son départ, Ostrovsky a quitté le Mossad parce qu'il était en désaccord avec les méthodes du service israélien et ses objectifs discutables. Et dès 1990, il publie un livre où il multiplie les révélations sur son ancienne centrale. Ouais, le livre d'un homme aigri ? C'est possible, mais pas seulement. Car il y a dans ce premier livre des informations qui semblent crédibles. En particulier sur les rapports entre le richissime homme d'affaires Robert Maxwell et le Mossad. Maxwell qui permettait au service israélien de financer un certain nombre d'opérations en Europe en puisant dans la caisse de retraite des employés de son journal, le Daily Mirror. Ouais. Maxwell qui, après sa mystérieuse mort en mer, sera enterré en Israël avec tous les honneurs. Et à chacune de ses visites en Israël, il était traité à l'égal d'un chef d'État. Mais enfin, passons. La publication du livre d'Ostrovsky provoque un véritable choc au Mossad, qui demande immédiatement l'interdiction de la diffusion de l'ouvrage. Une réaction immédiatement contre-productive. Oui, car elle assure la publicité du livre. Bien évidemment. Et ce livre, publié en français sous le titre « Mossad, un agent des services secrets israéliens parle », est devenu aussitôt un best-seller international. Le Mossad retiendra la leçon. Quand Ostrovsky publiera un deuxième ouvrage, le service israélien se gardera bien de s'opposer à sa publication. Conséquence, le livre passera quasiment inaperçu. Et d'une certaine façon, c'est dommage, car il apporte de troublantes lumières sur l'affaire Abdallah. Une parenthèse, avant d'évoquer ces nouvelles révélations, Ostrovsky, après sa défection du Mossad, aurait fait des offres de service à la DGSE. Ouais, notre service de renseignement, et pourquoi ? Bon, écoute, je ne sais pas exactement, mais ce qui est certain, c'est que les gens de la DGSE l'ont reçu et qu'il a passé une sorte d'examen ou d'interrogatoire. Il est apparu qu'Ostrovsky connaissait parfaitement l'organigramme du Mossad et l'identité de la plupart des agents qui agissaient en Europe et donc en France. Ah, une preuve de sa crédibilité. Certainement. Ouais. Et à l'occasion de cet entretien, Ostrovsky a livré une information capitale aux agents de la DGSE. Il leur a appris que le Mossad avait réussi à nouer des relations avec Action Directe. Bah, on aurait plutôt vu Action Directe avoir des liens avec les Palestiniens. Hein. C'est vrai. Mais l'homme du Mossad qui a réussi cette approche n'a jamais dit qui il était en réalité. Il a prétendu appartenir à un mouvement révolutionnaire sud-américain. Quoi qu'il en soit, le contact a eu lieu. Et contre la remise de passeports britanniques vierges et d'excellente qualité, l'homme du Mossad a obtenu d'importants renseignements sur la mouvance terroriste. Et à mon avis, c'est aller plus loin. Jusqu'où ? L'infiltration, ou la manipulation, comme vous voudrez. Et quand on se rappelle que les FARL et Action Directe entretenaient aussi d'excellents rapports, on commence à comprendre. Que les FARL également auraient pu être manipulés ? C'est exactement ce que je voulais dire. Quand on sait que les FARL et Action Directe avaient des plans communs, il ne faut plus s'étonner de la présence du 765 dans l'appartement de la rue Lacroix. Il aurait pu y être déposé à l'instigation de l'homme du Mossad ? C'est une sérieuse possibilité. D'accord, mais même si je ne suis pas tout à fait persuadé. Hein. Mais, et c'est ce qu'Ostrovsky raconte dans son deuxième ouvrage. La manipulation du Mossad a commencé bien plus tôt, dès le début des années 80. L'ancien agent secret révèle qu'à l'intérieur du service israélien, deux clans s'opposaient. Deux clans et deux politiques. En gros, et pour simplifier, il y avait des colombes et des faucons. Les colombes prêchant naturellement pour une politique d'apaisement au Proche-Orient. les Faucons plaidant au contraire pour un soutien actif aux chrétiens du Liban et l'invasion de ce pays, afin d'en finir une bonne fois pour toutes avec les Palestiniens qui y étaient installés. Mais à l'époque, qui commandait au Mossad ? Leur patron était une colombe, mais bientôt remplacée par un faucon. Ce clan des Faucons, qui, en parfait accord avec le gouvernement ultra-conservateur de Begin, était en alerte. Et quand ces durs ont appris qu'Ephraïm Halevi, le patron d'une des sections du Mossad, avait donné son feu vert à l'ouverture d'un dialogue avec les Palestiniens, bah, ils sont passés à l'action. Mais ce qui signifie ? L'agent du Mossad chargé de prendre contact avec les Palestiniens s'appelait Yakov Barsimantov. Il avait demandé à son ami Charles Rey de l'aider. Il fallait donc faire, si je vous écoute bien, selon les Faucons du Mossad, disparaître les deux hommes. Ben, sans se mouiller, en manipulant des individus appartenant aux Farl. Et ensuite en faisant tout ce qu'il fallait pour que les Farl portent l'unique responsabilité de ce double assassinat, quitte à conduire la police sur leurs traces. D'où ces mystérieux messages anonymes adressés aux enquêteurs. Les cailloux du petit pousset, vous ai-je dit. Confirmation. En tout cas, dans son ouvrage sur l'histoire secrète du Mossad, le spécialiste britannique du renseignement, Gordon Thomas, écrit qu'après avoir épluché les deux livres de Victor Ostrovsky, des membres haut placés des services secrets israéliens ont jugé que l'essentiel de ces allégations était véridique. D'autres livres pour terminer, « Les guerres secrètes du Mossad » de Yvonique de Noël, « Action directe » de Hamon et Marchand, « Histoire secrète du terrorisme » de Villeneuve et Perret, « L'œil du pouvoir » de Gilles Ménage, « Mémoire d'un patron de la DST » d'Yves Monet et enfin « Service secret sous Mitterrand » de Jean Guinel et Bernard Violet. Autant de livres dont vous trouverez les références sur franceinter.fr. À samedi prochain. Merci à Rebecca de Nantes qui a préparé cette émission. Merci aussi à Michel Billou qui l'a réalisée et à Monsieur Djou qui lui a apporté de joyeuses notes de musique. Et tout de suite après le flash au de mon amour de Denis Chessou.